Exercice 2. Salut, c'est Laura. Jonathan et moi, on a vraiment envie de partir en vacances au Canada. Est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous? On voudrait partir en octobre parce que c'est moins cher qu'en juillet. On aimerait bien voir le château Frontenac et le centre-ville de Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu pourrais demander à ta copine canadienne Lynn si elle connaît de bons restaurants à Québec? Bon, rappelle-moi. Salut.